la pipe d'un hôtel. On voit à contempler ma vie, décider de café, que ma mère est un grand fumeur. Quand il est comblé d'un verre, je fume comme la souris, où se prépare la cuisine pour le retour en une amoureuse. J'enlace et je berce son arme. Mm-hmm.